Exode chapitre 9. Alors l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et lui dit, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'ils me servent. Car, si tu refuses de les laisser aller, et si tu les retiens encore, voici, la main de l'Éternel sera sur ton bétail qui est au champ, tant sur les chevaux que sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis, et il y aura une très grande mortalité, et l'Éternel distinguera le bétail des Israélites du bétail des Égyptiens, afin que rien de ce qui est aux enfants d'Israël ne meure. Et l'Éternel assigna un terme, en disant, demain l'Éternel fera ceci dans le pays. L'Éternel donc fit cela dès le lendemain, et tout le bétail des Égyptiens mourut, mais du bétail des enfants d'Israël, il n'en mourut pas une seule bête. Et Pharaon envoya examiner, et voici, il n'y avait pas une seule bête morte du bétail des enfants d'Israël. Toutefois le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. Alors l'Éternel dit à M. Oïtrémaesse et à Aaron, prenez plein vos mains de cendres de fournaise, et que Moïse les répande vers les cieux en la présence de Pharaon, et elles deviendront de la poussière sur tout le pays d'Égypte, et il s'en fera des ulcères bourgeonnant en pustules, tant sur les hommes que sur les bêtes, dans tout le pays d'Égypte. Ils prirent donc de la cendre de fournaise, et se tinrent devant Pharaon, et Moïse la répandit vers les cieux, et il s'en forma des ulcères bourgeonnant en pustules, tant aux hommes qu'aux bêtes. Et les magiciens ne purent se tenir devant Moïse, à cause des ulcères, car les magiciens avaient des ulcères, comme tous les Égyptiens. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et il ne les écouta point, selon que l'Éternel en avait parlé à Moïse. Puis l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, et te présente devant Pharaon, et lui dit, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Car à cette fois je vais faire venir toutes mes plaies dans ton cœur, et sur tes serviteurs et sur ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a nul Dieu semblable à moi en toute la terre, car maintenant, si j'eusse étendu ma main, je t'eusse frappé de mortalité, toi et ton peuple, et tu eusse été effacé de la terre. Mais certainement je t'ai fait subsister pour ceci, afin de faire voir en toi ma puissance, et afin que mon nom soit célébré par toute la terre. T'élèves-tu encore contre mon peuple, pour ne le laisser point aller? Voici, je m'en vais faire pleuvoir demain, à cette même heure, une grosse grêle, à laquelle il n'y en a point eu de semblable en Égypte, depuis le jour qu'elle a été fondée jusqu'à maintenant. Maintenant donc, envoie rassembler ton bétail, et tout ce que tu as à la campagne, car la grêle tombera sur tous les hommes, et sur le bétail qui se trouvera à la campagne, et qu'on n'aura pas renfermé, et ils mourront. Celui des serviteurs de Pharaon, qui craignit la parole de l'Éternel, fit promptement retirer dans les maisons ses serviteurs et ses bêtes, mais c'est lui qui n'appliqua point son cœur à la parole de l'Éternel, laissa ses serviteurs et ses bêtes à la campagne. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers les cieux, et il y aura de la grêle en tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les bêtes, et sur toutes les herbes des champs au pays d'Égypte. Moïse donc étendit sa verge vers les cieux, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit donc pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il y eut donc de la grêle, et du feu entremêlé avec la grêle, laquelle était si grosse, qu'il n'y en avait point eu de semblable en toute la terre d'Égypte, depuis qu'elle a été habitée. Et la grêle frappa, dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était au champ, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs, et brisa tous les arbres des champs. Il n'y eut que la contrée de Gossan, dans laquelle étaient les enfants d'Israël, où il n'y eut point de grêle. Alors Pharaon envoya appeler Moïse et Aaron, et leur dit, « J'ai péché cette fois, l'Éternel est juste, mais moi et mon peuple sommes méchants. Fléchissez, par prière, l'Éternel, que ce soit assez, et que Dieu ne fasse plus tonner ni grêler, car je vous laisserai aller, et on ne vous arrêtera plus. » Alors Moïse dit, « Aussitôt que je serai sorti de la ville, j'étendrai mes mains vers l'Éternel, et les tonnerres cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. » Mais, quant à toi et à tes serviteurs, je sais que vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Or le lin et l'orge avaient été frappés, car l'orge était en épi, et le lin était en tuyau. Mais le blé et les potres ne furent point frappés, parce qu'ils étaient cachés. Moïse donc, étant sorti d'avec Pharaon hors de la ville, étendit ses mains vers l'Éternel, et les tonnerres cessèrent, et la grêle et la pluie ne tombèrent plus sur la terre. Et Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua encore à pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur donc de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon que l'Éternel en avait parlé par le moyen de Moïse.